Au pays de Jane Bowles, un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva. 5e et dernier épisode, l'écriture. Jane Bowles, écrivain, ne cesse dans ses derniers écrits de parler de la folie des femmes en particulier, de la sienne et de sa difficulté à vivre, à écrire, de sa maladie aussi, une lente dépression qui l'a conduite à une congestion cérébrale, à l'aphasie et à la perte de la vue. Jane Bowles utilise ses dernières forces pour tenter de mettre en mots cette lente dégradation que devient alors son existence et se met à croire au ciel. Amanda, jeune femme venue de Paris pour enquêter sur l'écrivain, interroge Paul Bowles, le mari de Jane, et ses amis, et tente de comprendre l'étrange couple d'amour et d'écriture qu'ils ont formé pendant 45 ans, et s'interroge à la lumière de cette histoire sur Irène, la femme qu'elle a aimée, et qui lui fit connaître et aimer les écrits de Jane Bowles. À l'époque où Irène avait acheté In the Summer House, l'unique pièce de Jane Bowles, on partageait le même appartement à Paris. C'est après cette lecture qu'on avait parlé, Irène et moi, de partir à Tanger et Malaga sur ses traces. New York, on n'y avait même pas pensé. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez rien de moi, pas plus que de Molière. Vous ne saurez jamais rien. Quand elle s'est mariée, elle était désespérée. Elle pleurait comme un bébé et me suppliait de rester. Mais vous voulez me l'arracher à moi, sa mère. Elle m'aime davantage que n'importe qui au monde. Elle a besoin de moi. Lorsqu'Irène m'avait offert ce livre, In the Summer House, la pièce n'avait pas encore été traduite en français et n'avait jamais été jouée en Europe. Elle avait été montée à New York en 1953 et obtenu un succès très relatif, ce qui avait rendu Jane malade. Désespérée, elle disait à Paul: on n'écrit pas une pièce pour ses toquets d'amis. Cette pièce, on l'avait pourtant vue, Irène et moi, à Paris, au Théâtre de la Colline, dans les années 90. Mais on avait été déçus. Il faut dire qu'on la connaissait presque par cœur, cette pièce. Et lorsqu'on avait vu l'une des actrices reprendre la claudication de Jane Bowles et porter du jaune, sa couleur préférée, on s'était regardé désolé. Dans le hall du théâtre, le texte se vendait pourtant par dizaines. Et c'était toujours ça de gagner. C'est ce qu'on pensait avec Irène. On se disait que ça aurait été formidable si elle avait pu voir ça, Jane, ce soir-là. New York, on n'avait pas vraiment envisagé d'y aller. L'autre Jane Bowles, celle de sa jeunesse, celle d'avant le Maroc, nous touchait moins, même si on y voyait le ferment de celle de Tanger. Irène, cette période-là de la vie de Jane Bowles à New York ne l'intéressait pas. Je pense que ce qui l'intriguait à Tanger, c'était Chérifa, l'amante marocaine de Jane Bowles et leur relation malaisée. Et peut-être plus encore la personnalité de Chérifa, qui était à l'opposé de la sienne. Chérifa, je n'ai jamais cherché à la rencontrer à Tanger. Elle me faisait peur. J'aurais préféré aller à New York, c'était plus confortable et les fantômes américains étaient moins agressifs. Mais pour Irène, ça n'avait aucun sens. Et je savais qu'elle avait raison. New York aujourd'hui, c'est ce qu'Irène me répétait, n'a évidemment plus rien à voir avec New York des années 1935, où la vie de Jane n'était qu'une longue fête. On la trouvait chaque nuit dans les boîtes de nuit lesbiennes du Village. Au cours de l'une de ces soirées, elle rencontra Paul. Les jeunes gens vécurent une véritable épopée pour trouver de la marijuana et ne se quittèrent plus jamais. Jane défrayait alors la chronique par ses bons mots et ses farces renouvelées. À cette époque, ses amis la trouvaient simplement follement excentrique. Au début de leur vie commune, Paul et Jane inventèrent un jeu auquel ils s'amusèrent pendant des années. Paul était Böppel Hergesheimer, perroquet revêtant une forme humaine. Il avait un vocabulaire se limitant à « Rop » pour la désapprobation et « Böppel » pour les rares occasions où il manifestait son approbation. Jane était Teresa Brown, la mère, la tante et la gouvernante de ce jeune homme qui savait qu'il était un perroquet. Elle lui disait « Allons, allons !» Alors il posait ses griffes sur la main de Jane et elle l'attirait vers la cage. « Comment, tu n'es pas content ? Vois comme ta cage est belle !» lui disait-elle. « Tu n'aimes pas ce qu'a fait ta tante ? J'ai mis du plastique sur le côté et si tu te cognes la tête, tu ne te feras pas mal. » Paul répondait « Popol !» Puis soudain disait « Rop !» Ils jouaient généralement à ce jeu quand ils étaient seuls, mais parfois, en compagnie d'autres personnes, Jane devenait soudainement Teresa et elle disait « Retourne dans ta cage, Popol !» Millicent Dillon, A Little Original Sin. D'après ce que l'on avait lu, le mariage de Jane Auer, connu pour ses amours féminines, et de Paul Bowles, homosexuel notoire, étonna tous leurs amis. Certains crurent à une plaisanterie. Jane et Paul Bowles eurent pourtant une vie maritale durant la première année de leur mariage, et puis ils passèrent leur vie ensemble, mais dans deux chambres ou deux appartements voisins. Nous pensions avec Irène, pour avoir lu leur correspondance, et je le pense toujours aujourd'hui, après avoir rencontré Paul, qu'ils s'aimaient profondément et avaient besoin l'un de l'autre. Si Paul aidait financièrement Jane, elle s'occupait, avant d'aller si mal, et surtout au début de leur vie à New York, et lors des premières années à Tanger, de sa vie domestique, de ses appartements laissés à l'abandon aux quatre coins du monde, de ses factures multiples en retard, de ses pressings innombrables. Elle traitait son courrier, se préoccupait de ce qu'il mangeait, s'inquiétait de ses soins dentaires, comme une épouse maternelle et fidèle de son époque. Mais au fond, ce qu'Irène reprochait le plus à Paul Bowles, et ne manquait pas de me rappeler, c'est que c'était grâce à Jane qu'il était devenu écrivain, et que c'était à cause de cela qu'elle avait cessé d'écrire. On en avait la certitude, Irène et moi, avant que je n'aille à Tanger. Plus Paul Bowles écrivait, moins Jane Bowles avait pu écrire. Elle s'était retrouvée comme interdite d'écriture. Paul la suppliait d'écrire, et pour Jane, c'était encore pire. Mais ça, il ne pouvait pas le comprendre. Septembre 1947. Quand tu m'as écrit, le 26 août, j'avais à peu près 10 pages dactylographiées, de plus que toi, au même moment, et davantage dans un carnet. Peut-être 15, mais en mauvais état. Et je n'ai pas ajouté une seule page depuis. C'est terrible. Mais je crois qu'il faut que tu le saches. Pour que tu saches t'écrire, viens en janvier si tu as fini ton roman. Bien sûr, je sais que le tien sera fini des années avant le mien. Et qu'il sera magnifique. Le mien ne verra sans doute jamais le jour. Tu ferais donc bien de cesser d'en parler dans tes lettres. J'espère encore pourtant que le mois d'octobre sera un bon mois et que je pourrai rattraper un peu le temps perdu. Votre rencontre avec Jane, vous étiez compositeur et elle était écrivain. Et oui. Est-ce que c'est elle qui vous a amené à écrire ou donné envie d'écrire ? Comment ça s'est fait le glissement ? Non, ça, j'étais avec elle quand elle a écrit son roman, Deux dames sérieuses. Et ça m'a intrigué beaucoup de voir comment ça marche, une chose. Parce que je n'avais jamais été avec personne qui était en train d'écrire un roman. Ça m'a donné envie de faire la même chose. C'est tout. C'était mon idée. C'était une espèce d'imitation. Je voulais moi aussi être romancier. Je n'avais jamais écrit. J'avais écrit quelques... Des nouvelles, non ? Comment ? Des poèmes, des nouvelles ? Ah, des poèmes, ça ne coûte pas. Non. Lettre à Paul, début août 1947. Quand on est, comme je le suis, seulement capable d'une approche sérieuse et pondérée, je dirais peut-être solennelle de l'écriture, il est presque insupportable de toujours douter de sa sincérité, ce qui revient à douter de sa production. À mesure que j'avance dans ce travail, je crois que ce qui me préoccupe le plus, c'est ce doute que j'éprouve à l'égard de mon expérience tout entière. C'est quelque chose de beaucoup plus important que le fait de se sentir extérieur et isolé, il me semble. Mais cela décuple également la culpabilité. Il m'est difficile de t'expliquer cela et, en un sens, c'est probablement ce qui, au fond, sera le sujet du roman, si je parviens à l'écrire un jour. Jane Bowles récidivait. Elle s'enfermait à clé dans sa chambre, vidait des bouteilles de whisky, se cognait au mur, pleurait, chassait le monstre à l'intérieur d'elle-même, le poursuivait autour de la chambre, allait au bout de sa douleur et sortait enfin avec ses lignes qu'elle disait ciselées dans du granit. Chaque fois, si peu de lignes, mais si denses. Du granit. Et puis vers la fin de sa vie, plus rien. L'aphasie, un mot pour un autre, le cerveau qui refuse. Même après la rééducation, la parole revenue, l'écriture, jamais. Lui, Paul Bowles, depuis Tanger, ponctuait le monde de ses romans et nouvelles, et elle, Jane Bowles, devenait aveugle peu à peu et se mettait à penser à Dieu dans sa petite chambre blanche de la clinique de Los Angeles à Malaga, chez les sœurs. Paris, 1950. Mon travail a bien avancé la semaine dernière. J'avais trouvé un rythme de croisière. Mais cette semaine, c'est à nouveau la déroute complète. Pas à cause de ma vie en réalité, mais parce que je suis revenue sur mon personnage masculin. Je dois changer tout ce que j'ai écrit sur lui à Tanger. Pas tout, mais cela doit devenir réel pour moi. Sinon, je ne peux pas écrire. Mais j'ai décidé de ne pas en faire une maladie. Si je ne peux pas écrire mon livre, je laisserai tomber l'écriture. Point final. Ensuite, le suicide. Ou une autre existence. C'est une idée assez effrayante. Je ne crois pas que je me suiciderai. Même si d'un point de vue intellectuel, il me semble que ce soit la seule solution. Je n'aurai jamais assez de courage. Et cela ferait de la peine à tout le monde. Mais où irais-je? Je dirais que le plus courageux serait de ne rien faire. C'est-à-dire continuer comme je suis, mais pas comme écrivain. Comme la femme d'un écrivain? Je ne crois pas que cela te plairait. Ou bien saurais-je le faire bien? Je crois que je deviendrai acariâtre et méchante. Et qu'ensuite j'aurai honte de moi. Oh, quel avenir sombre! Avec Irène, nous pensions pourtant, et je le pense toujours aujourd'hui, que Jane Bowles est un écrivain plus intéressant que Paul Bowles. Ce qu'elle met en mots, c'est ce qu'on disait avec Irène, nous paraissait infiniment plus risqué, complexe, que ce que Paul jouait. Son humour latent, invisible aux yeux des sots, fabrique sa langue et en fait un écrivain véritable. Mais ce qui nous impressionnait plus encore, Irène et moi, c'était l'expression du désir d'une femme pour une autre femme, qu'elle était l'une des premières à écrire dans les années 40. Pourquoi ne vous baignez-vous pas? Je ne sais pas nager. Pacifica lève la tête vers le ciel qui menace. Pourquoi restez-vous assis sur cet affreux rocher? Allons, déshabillez-vous et allons à l'eau. Je vais vous apprendre à nager. Je n'ai jamais pu y parvenir. Je vais vous montrer. Si vous ne pouvez pas apprendre, je vous laisserai couler. Non, je plaisante. Ne prenez pas ça au sérieux. Mrs. Copperfield, craintive, se dévait. Elle est très blanche et mince. Sa colonne vertébrale saille sous sa peau. Pacifica regarde son corps sans dire un mot. Je sais bien que je suis affreuse. Venez. Elle s'avance dans l'eau jusqu'aux cuisses et reste debout un moment, face à la côte et aux palmiers. Mrs. Copperfield scrute le visage de Pacifica. L'eau tombe de ses cheveux et ruisselle sur ses épaules. Pacifica entraîne sa compagne un peu plus loin, vers le large. Mrs. Copperfield serre très fort la main de Pacifica. Elle a maintenant de l'eau jusqu'au menton. Maintenant, allongez-vous sur les dos. Je vais vous soutenir la tête. Mrs. Copperfield jette autour d'elle un regard inquiet, mais elle obéit et flotte sur le dos, maintenue seulement par la main de Pacifica sous sa tête, qui l'empêche de couler. Elle aperçoit ses pieds qui flottent à la surface. Pacifica nage, entraînant avec elle Mrs. Copperfield. Mrs. Copperfield semble très inquiète. Elle lève les yeux, le ciel est envahi de nuages gris. Elle a l'air de vouloir dire quelque chose, ouvre la bouche, mais n'ose pas tourner la tête. Pacifica se rapproche un peu de la côte. Soudain, elle se redresse et pose ses deux mains fermement sur les reins de Mrs. Copperfield. Le visage de Mrs. Copperfield se tord comme si elle avait un haut-le-cœur. Puis elle a l'air brutalement très heureuse. Elle tourne la tête et effleure de sa joue le ventre charnu de Pacifica. Elle se cramponne à sa cuisse avec une vigueur étrange. Ne me lâchez pas. Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais encore nager un peu toute seule. Elle aide Mrs. Copperfield à reprendre pied, puis la ramène sur la plage. Mrs. Copperfield se laisse tomber sur le sable et baisse la tête, semblable à une fleur flétrie. Elle tremble, semble épuisée, comme après une expérience amoureuse. Elle lève la tête vers Pacifica, et celle-ci note que ses yeux sont plus lumineux et plus doux que jamais. Vous devriez vous baigner plus souvent? Vous restez trop enfermée? Deux dames sérieuses, 1941. J'aurai toujours en tête le ton de voix péremptoire qu'Irène prenait pour déclarer que Jane Bowles était le plus grand écrivain du monde. Ce texte, c'est pour Irène que j'ai commencé à l'écrire, pour Irène qui me ressemble un peu et pas, et donc un peu pour moi. Et puis pour Jane Bowles, bien sûr, pour lui donner une place, sa place auprès de Paul Bowles, sans éclipse. Mais depuis que je l'ai rencontré, lui, Paul Bowles, l'époux de Jane, alors âgé de 85 ans, depuis que j'ai vu la tendresse dans ses yeux, l'éclat quand il parlait de sa femme, de la seule femme de toute sa vie, je me suis mise à écrire aussi pour lui. Lettre de Jane à Paul Bowles, Hôtel Villa de France, Tanger, Maroc, juillet-août 1948. Je me demande si je m'embarrasserais de tout ça si tu n'existais pas. Je ne sais pas. J'ai le même sentiment avec mon travail. Est-ce que je me donnerais toute cette peine si tu n'existais pas? C'est horrible de ne pas savoir ce que l'on ferait si on était complètement seul au monde. Au bout de ce voyage à Tanger et à Malaga, à la toute fin, m'est apparu combien le désespoir de Jane était la source vive de l'écriture de Paul, puisqu'il fallait bien que quelqu'un écrive, et combien ce désespoir de Jane se creusait pour Jane avec le succès de Paul et tarissait sa langue. Ils étaient entrés dans un cercle meurtrier d'écriture dont aucun ne pouvait sortir, à moins d'en mourir. J'avais beaucoup de choses à te dire avant ton départ, et maintenant je ne les dirai plus jamais. Bien que la lumière inonde le balcon, formant les mêmes ombres aux mêmes endroits, moi seul puis la voir, moi seul puis entendre le vent, et il souffle bien trop fort. Le monde fourmille de mots, pardonne-moi. Poème écrit par Paul Bowles en 1975, 2 ans après la mort de Jane Bowles. C'était « Au pays de Jane Bowles », un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva, avec Amalia Escriva, Chloé Baker, Alain Payen, Geneviève Crouzet, Nancy Houston, Lucia Sanchez, Marie Furnari, Christophe Pellet, Edith Scobb et la voix de Paul Bowles. Équipe de réalisation, Véronique Amiot, Jean-Michel Després, Guy Peramor, Jacques Taroni.